14e chapitre, deuxième partie. 10 février. Notara. Nous traversâmes longtemps des vallées étroites par des routes si pierreuses que je pouvais à peine supporter les cahots de la voiture et que je pensais que le Béli allait à tout instant se briser en 1000 morceaux. Tant que les rayons du soleil ne me tombèrent pas verticalement sur la tête, je marchais à pied, mais bientôt je fus forcé de me réfugier sous la toile qui couvrait le Béli. Je m'enveloppai le front et, me cramponnant aux deux coins de la charrette, je me résignai à mon sort. Les jungles dont nous étions entourés n'étaient guère plus beaux que ceux de Bharatpur, mais ils me fournirent plus de distraction car ils étaient animés par des singes sauvages. Ces animaux étaient assez grands, avaient le poil d'un jaune foncé, des figures noires et des longues queues très peu velues. Les inquiétudes de la guenon, quand j'effarouchais ses petits, étaient extrêmement divertissantes. Aussitôt, elle en prenait un sur son dos, l'autre s'accrochait par devant sur sa poitrine et chargée de ce double fardeau, elle ne sautait pas seulement de branche en branche, mais d'arbre en arbre. Si j'avais été douée d'un peu plus d'imagination, j'aurais pris cette forêt pour un bois enchanté, car indépendamment des joyeuses troupes de singes, je vis encore beaucoup de choses curieuses. Les flancs et les débris de rochers sur la gauche de notre chemin avaient les formes les plus variées et les plus étranges. Quelques-uns ressemblaient à des ruines de maisons ou de temples, d'autres à des arbres. Je distinguais entre toutes ces formes fantastiques une figure qui ressemblait tellement à une femme avec un petit enfant sur le bras que l'on avait de la peine à se défendre de compassion en la voyant ainsi morne et sans vie. Plus loin était une grande porte imposante dont le caractère me causa une telle illusion que je fus longtemps à chercher les ruines de la ville à laquelle elle semblait conduire. Près des jungles, adossée contre un puissant mur de rochers et défendue encore par des fortifications, est située la petite ville de Lakari, un superbe étang, un grand puits avec un magnifique portique, des terrasses ornées de divinités hindoues et des tombeaux mahométans sont disséminés tout autour dans un charmant désordre. Devant Notara, je trouvai quelques autels avec le taureau sacré taillé en grès rouge. Dans la ville même, il y avait un joli monument, un temple ouvert et à colonnes sur une terrasse en pierre entourée de beaux bas-reliefs représentant des éléphants et des cavaliers. Comme il n'y avait pas de sérail à Notara, je me trouvais forcée d'aller chercher un abri de rue en rue. Mais personne ne voulut recueillir la chrétienne. Ce n'était pas par manque de bonté, mais à cause d'une superstition qui fait regarder comme souillée toute maison visitée par une personne d'autre croyance, en étant même cette opinion à une foule d'autres objets. Je me trouvais réduite à passer la nuit dans une véranda ouverte. Dans la même ville, j'assistai à une scène qui dénote la bonté de ce peuple. Un âne estropié, soit de naissance, soit par accident, se traînant avec beaucoup d'effort, mit plusieurs minutes à traverser la rue. Quelques hommes arrivant avec leurs bêtes de somme s'arrêtèrent et attendirent avec la plus grande patience, sans proférer le moindre cri et sans lever la main pour exciter la pauvre bête à presser le pas. Plusieurs habitants sortirent de leur cabane et lui jetèrent de la nourriture. Chaque passant s'empressa de lui faire place. Cette délicatesse me toucha infiniment. Dans quelques grandes villes de l'Inde, il y a même des hôpitaux fondés pour des animaux vieux ou invalides. On les y soigne jusqu'à la fin de leur vie. Je vis deux de ces établissements et j'y trouvais des bêtes à qui il en aurait certainement rendu service en les tuant pour les délivrer des plus cruelles souffrances et d'infirmités incurables. Mais les hindous ne tuent aucune bête. 11 février. Aujourd'hui, le 13e jour de mon voyage, j'arrivais à Kota. Je fus très contente de mon domestique et de mon voiturier, comme en général de tout le voyage. Les propriétaires des sérails ne m'avaient pas demandé plus qu'aux indigènes et ils avaient eu pour moi toutes les complaisances qui pouvaient se concilier avec les sévères préceptes de leur religion. J'avais passé les nuits dans des cellules ouvertes de toutes parts et quelquefois même sous la voûte du ciel, entouré des gens de la dernière classe, et je n'avais jamais été offensé ni par des paroles outrageantes ni par des gestes menaçants. Jamais on ne m'enleva rien, et quand je donnais une bagatelle à un enfant, un morceau de pain, du fromage ou quelque chose de semblable, les parents cherchaient aussitôt à me témoigner leur reconnaissance en me faisant d'autres dons et en me rendant toute espèce de petit service. Note. Ordinairement, les enfants sont regardés comme impurs jusqu'à l'âge de 9 ans et ne sont par conséquent pas tenus d'observer les préceptes de leur religion. Fin de note. Ah, si les Européens savaient combien il est facile de s'attacher par de bons procédés ces hommes si doux, véritables enfants de la nature. Mais malheureusement, ils veulent régner par la violence et ils traitent ce pauvre peuple avec mépris et avec dureté. Kota est la capitale du royaume de Rajputan. Ici, comme dans toutes les provinces auxquelles le gouvernement a laissé les princes indigènes, se trouve un fonctionnaire anglais qui porte le titre de résident. On pourrait vraiment l'appeler le roi, ou du moins le gouverneur du roi, car le roi nominal ne peut rien faire sans son consentement. Ce pauvre prince n'a pas même le droit de franchir les frontières de ses états sans l'autorisation du résident. Les grandes forteresses du pays ont des garnisons anglaises et sur différents points on a établi de petites stations militaires. Cette surveillance est, sous certains rapports, utile, sous d'autres, très nuisible au peuple. S'il est sévèrement interdit aux veuves de se brûler, si l'on a aboli ces supplices cruels qui consistaient à faire écraser les condamnés par des éléphants ou à les attacher à la queue d'un éléphant pour être traînés jusqu'à la mort, en échange, les impôts ont augmenté singulièrement et le roi est obligé de payer un tribut considérable pour acheter le droit de gouverner d'après la volonté du résident. Note. Depuis 1843, il n'y a plus eu de femmes brûlées dans toute l'Inde. Fin de note. Ce tribut, il le prend naturellement dans la bourse du peuple. Le roi de Rajputan paye tous les ans 3 lakhs. 300 000 roupies au gouvernement anglais. Le résident de Kota, le capitaine Burdon, était un ami intime du docteur Spranger, qui l'avait prévenu de mon arrivée. Malheureusement, il avait été forcé de faire une tournée d'inspection dans les diverses stations militaires. Mais avant de partir, il avait pris toutes les mesures pour ma réception et il avait prié le docteur Roland de veiller à ce que tous ces ordres fussent exécutés. Note. Dans chaque résidence, il y a un médecin anglais. Fin de note. On poussa la prévenance jusqu'à envoyer au-devant de moi, à la dernière station de nuit, des journaux, des livres et des domestiques. Mais ils ne me trouvèrent pas, car pour les deux dernières stations, mon voiturier s'était détourné de la grande route afin de prendre un chemin plus court. Je descendis dans le beau bungalow du résident. toute la maison était vide. Madame Burdon avait accompagné son mari avec ses enfants, comme cela se fait ordinairement aux Indes, où le changement d'air fréquent est regardé comme nécessaire à l'Européen. La maison, les domestiques et les cipayes, le palanquin et l'équipage du capitaine en un mot, tout était à ma disposition, et pour compléter mon bonheur, le docteur Roland eut la bonté de me servir de guide dans toutes mes excursions. 12 février. Dès que le roi Ram Singh fut instruit de mon arrivée, il m'envoya de grands paniers remplis de fruits et de douceurs, et en même temps, ce qui me causa bien plus de plaisir, son éléphant favori, bien paré, avec un officier à cheval et quelques soldats. Bientôt, je me trouvai assise avec le docteur Roland sur la haute Oda et je me rendis à la ville voisine. Note, Oda, siège installé sur le dos de l'éléphant. Fin de note. Kota compte environ 30 000 habitants et est situé près du fleuve Chumbal, dans une vaste plaine parsemée de rochers à plus de 433 mètres au-dessus du niveau de la mer. La ville, qui se présente bien, est entourée de solides ouvrages de fortification sur lesquels on a placé 50 canons. Les alentours les plus proches sont couverts de rochers stériles et déserts. L'intérieur de la ville est divisé par 3 portes en 3 parties. La première est habitée par la classe pauvre et a l'air très misérable. Les 2 autres, où demeurent les marchands et les gens aisés, offrent un aspect infiniment supérieur. La grande rue, quoique tortueuse et pierreuse, est cependant assez large pour que l'on puisse passer sans difficulté à côté des voitures et des bêtes de somme. La construction des maisons est excessivement originale. Déjà à Bénarès, la petitesse des croisées m'avait frappée. Ici, elles sont si étroites et si basses que c'est à peine si l'on peut y passer la tête. La plupart ont, au lieu de vitres, des barreaux de fer délicatement travaillés. Beaucoup de maisons ont de grands balcons, d'autres aux premiers étages de grandes galeries qui reposent sur des colonnes et occupent toute la façade de la maison. Beaucoup de ces galeries sont divisées par des cloisons en grands et petits salons ouverts. Aux 2 coins se trouvent de jolis pavillons et au fond, des portes conduisent dans l'intérieur de la maison. C'est dans ces galeries, surtout, que se traitent les affaires et que se font les ventes. Elles sont aussi le rendez-vous des gens oisifs qui, accroupis sur des nattes et des tapis, fument leur hookah et s'amusent à voir passer la foule. Dans d'autres maisons, les murs extérieurs étaient couverts de peintures à fresques représentant de terribles géants, des tigres, des lions, 2 ou 3 fois grands comme nature, qui montraient la langue en faisant d'affreuses grimaces, ou bien des divinités, des fleurs, des arabesques, etc. Tout cela jeté pêle-mêle, sans goût, et sans esprit, dessiné pitoyablement et souvent barbouillé des couleurs les plus grotesques. Mais ce qui fait le plus bel ornement de la ville, ce sont les nombreux temples hindous qui s'élèvent tous sur des terrasses de pierre et qui sont infiniment plus hauts, plus étendus et plus beaux que ceux de Bénarès, à l'exception des Vivisha. Les temples sont ici construits au milieu de portiques ouverts et à arcades ornées de plusieurs tours carrées et surmontées de coupoles de 7 à 13 mètres de haut. Au milieu se trouve le sanctuaire, petite pièce soigneusement fermée. La porte qui y donne entrée est couverte de belles sculptures ainsi que les colonnes et les frises. Les tours carrées sont aussi bien travaillées que celles de Bénarès. Sous les portiques, il y a de vilaines idoles et des emblèmes dont plusieurs sont peints d'un rouge clair. les parties latérales des terrasses sont ornées d'arabesques, d'éléphants et de chevaux taillés en bas-relief. Le palais du roi est situé à l'extrémité de la troisième partie de la ville et forme une ville dans la ville, ou pour mieux dire, une citadelle dans la forteresse, puisqu'elle est entourée d'énormes murs fortifiés non seulement contre l'extérieur, mais aussi contre la ville. Il y a beaucoup de grands et de petits édifices dans l'enceinte de ces murs, mais en dehors de leurs belles galeries, ils n'offrent rien de remarquable. Si le résident avait été à Kota, j'aurais été présenté à la cour, mais en son absence, l'étiquette s'opposait à ce que je visse le roi. De la ville, nous nous rendîmes à Armor Nevas, un des petits châteaux de plaisance du roi. Le chemin était excessivement mauvais, rempli de masses de rochers et de grosses pierres. Aussi, je ne pouvais assez admirer l'habileté de notre éléphant, qui savait trouver une place pour ses pieds massifs et trotter avec autant de vitesse que s'il avait suivi la plus belle route. Quand j'exprimais à M. Roland ma surprise de ce que le roi, qui allait si souvent à son château, ne faisait pas ouvrir une route praticable, il me répondit que c'était un principe chez tous les souverains de l'Inde de ne pas établir de voie de communication parce que, à leur avis, des routes frayées facilitaient trop à l'ennemi les moyens de pénétrer dans le pays. Le château est petit et insignifiant. Il est situé près du fleuve Chumbal qui s'est pratiqué dans les rochers un lit excessivement profond. Des gorges et des groupes de rochers pittoresques longent les bords du fleuve. Le jardin du château est tellement rempli d'orangers, de citronniers et d'autres arbres qu'il n'y aurait pas la moindre place pour le plus parterre de fleurs ou la plus petite pelouse de gazon. On trouve très peu de fleurs dans les jardins indiens et elles sont toujours à l'entrée. Les allées sont des chaussées en maçonnerie élevées de 3/4 mètre. Le sol étant toujours boueux et humide à cause de l'arrosement fréquent. La plupart des jardins que je vis par la suite ressemblaient à celui-ci. Le roi s'amuse ici fréquemment à de petits combats d'animaux. Un peu en amont du fleuve, on a établi sur de basses collines des tourelles qui servent à la chasse aux tigres. Ces animaux, traqués de toutes parts, sont amenés peu à peu vers l'eau et toujours resserrés de plus en plus jusqu'à ce qu'ils se trouvent à portée de fusil des tourelles. Le roi, avec sa société, est assis en toute sûreté sur le plateau de la tourelle et fait bravement feu sur les bêtes. Près du château, on venait d'achever la construction d'un petit temple de bois où il ne manquait plus que la chose essentielle, l'aimable idole elle-même. Grâce à cette heureuse circonstance, nous pûmes pénétrer dans le sanctuaire. Il était composé d'un petit kiosque de marbre placé au milieu du portique. Le temple et les colonnes étaient barbouillés d'assez mauvaises peintures à couleurs extrêmement tranchantes. Il est singulier que les hindous et les mahométans ne se soient jamais appliqués à la peinture, car aucun de ces peuples ne nous a donné de bons tableaux ni de bons dessins, tandis qu'ils ont fait des choses remarquables en architecture, en bas-relief et en mosaïque. D'Armor Nevas, nous nous dirigeâmes vers la petite île de Kotri Catalan, située près de la ville dans un petit lac. Ici, l'on voit également un tout petit château avec un petit jardin, mais qui se présente infiniment mieux du rivage que de près. Nous terminâmes notre course en visitant un superbe bois de tamariniers et de manguiers à l'ombre desquels se trouvent conservés dans de beaux monuments les cendres de plusieurs souverains. Ces monuments se composent de temples ouverts auxquels conduisent de larges escaliers de 10 à 12 marches. Ces escaliers sont décorés de chaque côté d'éléphants de pierre. Quelques-uns des temples sont ornés de belles sculptures. La soirée fut remplie par toutes sortes de divertissements. Le bon docteur voulut me faire connaître les divers tours de force des hindous, dont cependant la plupart n'étaient pas neufs. C'est ainsi qu'un jongleur exhiba devant nous sa petite troupe de singes, dont les tours ne manquèrent pas de nous faire beaucoup rire. Un autre se passa autour du corps les serpents les plus venimeux et laissa ramper de grands scorpions sur ses bras et sur ses jambes. Note, on dit que la dent creuse dans laquelle se trouve la glande à venin a été arrachée au serpent, ce qui empêche que sa morsure n'ait de suite funeste. Fin de note. À la fin, parurent quatre danseuses élégantes, vêtues de mousseline brodée d'or et d'argent et surchargées de parures. Toutes les parties du corps, les oreilles, le front, le cou, la poitrine, les cuisses, les mains, les bras, les pieds étaient couverts d'or, d'argent et de pierreries. Les doigts de pied même en étaient ornés et du nez pendait jusque par-dessus la bouche un grand cercle avec trois pierres précieuses. Deux danseuses entrèrent d'abord en scène. Elles exécutèrent les mêmes figures que j'avais déjà vues exécuter à Bénarès. Seulement, elles les faisaient bien plus vite et tournaient de toute manière les doigts, les mains et les bras. Certes, on aurait pu dire d'elles, à juste titre, qu'elles dansaient avec les bras et non avec les pieds. Elles dansèrent 10 minutes sans chanter, puis elles se mirent à pousser des cris aigus et discordants. Leurs mouvements devinrent peu à peu plus rapides et plus désordonnés, jusqu'à ce qu'au bout d'une demi-heure, la voix et la force leur manquèrent. Épuisées, elles abandonnèrent la place à leurs sœurs, qui répétèrent la même scène. Le docteur Roland m'assura qu'elle représentait une histoire d'amour où toutes les vertus, comme la douceur, la fidélité et la confiance, et toutes les passions, comme la haine, la vengeance et le désespoir, avaient un rôle. Les musiciens, placés tout près des danseuses, suivaient chacun de leurs mouvements. Tout l'espace employé est à peine de 3,30 m de long et 2,60 m de large. Les bons hindous s'amusent des heures entières à ces scènes sans goût dont ils ne peuvent se lasser. Je me souviens d'avoir lu dans des livres que les danseuses indiennes étaient bien plus gracieuses que celles de l'Europe et que leurs chants étaient très mélodieux et leurs pantomimes délicates et émouvantes. Je voudrais bien savoir si les auteurs de pareils livres ont été vraiment aux Indes. Je ne trouvais pas moins exagérées les descriptions d'autres voyageurs qui prétendent qu'on ne peut rien voir de plus immoral que les danses indiennes. Je me permettrai à mon tour de demander s'ils ont vu la Samakweka et la Refolosa à Valparaiso, s'ils ont vu les dames de Tahiti ou bien nos danseuses en tricot couleur de chair. La coutume des femmes à Rajpatad et dans quelques contrées de Bundelkhand diffère beaucoup de celui des autres pays de l'Inde. Elles portent de longues robes de couleur à larges plis, des corsets très serrés et si courts qu'ils couvrent à peine la poitrine et elles mettent par-dessus un mouchoir blanc ou bleu dont elles enveloppent le buste, la tête et la figure et dont elles laissent pendre une partie par devant en guise de tablier. Les jeunes filles, qui n'ont pas toujours la tête enveloppée, ressemblent presque dans ce costume à nos paysannes. Elles sont, comme les danseuses, surchargées de parures quand elles ne peuvent pas les avoir en or ou en argent. Elles se contentent d'un métal quelconque. Elles portent aussi autour des mains, des bras et des pieds des cercles en cornes en os ou en perles de verre. Elles ont au pied des grelots, de sorte qu'on les entend venir de 60 pas. Les doigts de pied sont couverts de larges et pesants anneaux et du nez jusqu'au menton, elles laissent pendre des anneaux qu'à chaque repas, elles sont obligées de relever au-dessus du nez. Je plains ces pauvres créatures qui ont avec leur parure une fameuse charge à porter. Dès leur enfance, les hindous se teignent en noir les sourcils et les paupières. Souvent aussi, ils se peignent sur les sourcils des raies bleu foncé de la largeur du doigt et des taches sur le front. Les adultes se couvrent la poitrine, le front, le nez ou les tempes de couleurs rouges, blanches ou jaunes selon qu'ils sont plus particulièrement attachés à telle ou telle divinité. Plusieurs portent des amulettes et de petites images suspendues au cou par des cordons. Aussi, je les prenais d'abord pour des catholiques et je me réjouissais déjà des brillants succès des missionnaires. Mais m'étant approché un jour d'un hindou pour mieux examiner l'image, que vis-je? Vous croyez peut-être une gracieuse madone, une petite tête d'ange aux blondes boucles, un Antoine de Padoue en extase. Hélas, non. Je vis les figures grimaçantes du dieu Shiva aux 8 bras, de Vishnu à la tête de bœuf et de la déesse Kali à la longue langue. Les amulettes renfermaient très probablement un peu des cendres d'un de leurs martyrs brûlés, ou un petit clou, un petit morceau de peau, le cheveu d'un saint, l'éclat de l'os d'un animal sacré, etc. 13 février. Aujourd'hui, le docteur Roland me conduisit à la petite ville de Kécho, Rede Patum, une des plus saintes de Bunda et de Rajpaton, située sur la rive opposée du Tchoumbal, à 6 milles de Kota. Beaucoup de pèlerins viennent s'y baigner car ils regardent l'eau dans cet endroit comme excessivement sacrée. On ne peut pas leur en vouloir de cette croyance quand on songe combien il y a de chrétiens qui donnent la préférence à l'image de la Sainte Vierge de Marie-Zel, d'Enzidelln ou de Lorette, bien que toutes les autres images représentent exactement la même Vierge. De beaux escaliers de pierre conduisent au fleuve et dans de jolis kiosques, on voit assis des brahmanes qui prennent de l'argent aux fidèles en l'honneur des dieux. Sur un des escaliers était une très grosse tortue. Elle pouvait s'y chauffer au soleil tout à son aise. Personne ne songeait à la prendre. Elle venait du fleuve sacré. C'était peut-être le dieu Vishnu en personne. Note. Le dieu Vishnu est aussi représenté sous forme d'une tortue. Fin de note. Le long du fleuve, il y a beaucoup d'autels de pierre avec de petits taureaux et autres emblèmes également taillés en pierre. La ville elle-même est petite et misérable, mais le temple est grand et beau. On poussa ici la tolérance jusqu'à nous accorder l'entrée de tout le temple ouvert de tous côtés et formant un octogone. Dans la partie supérieure, il est entouré de galeries dont une partie est destinée aux femmes, l'autre aux musiciens. Le sanctuaire est au fond du temple. 5 cloches étaient pendues devant. On les frappe quand des femmes entrent dans le temple. Elles résonnèrent aussi à mon entrée. Ensuite, on ouvrit la porte couverte de rideaux et on nous accorda la vue de tout l'intérieur. Nous vîmes là une petite compagnie d'idoles en pierre. Le peuple qui nous avait suivis avec curiosité fit entendre de légers murmures quand on ouvrit le sanctuaire. Je me retournai avec un peu d'émotion, croyant que c'était à nous qu'on en voulait. Et je me préparais déjà aux plus grandes avanies quand je reconnus que c'était des prières qu'il récitait à voix basse dans une posture pleine de respect. Un des brahmanes chasse avec un grand balai les mouches assez hardies pour se poser sur les figures spirituelles des dieux. Plusieurs chapelles contiguës au temple s'ouvrirent toutes devant nous. Elles renfermaient des pierres ou des images peintes en rouge. Dans le péristyle, sous un petit toit, on voyait un saint en pierre qui était très bien vêtu et qui avait même une casquette sur la tête. Sur la rive opposée du fleuve s'élève une petite colline sur laquelle repose un grand taureau taillé assez massivement en pierre. Cette colline s'appelle la montagne sacrée. Le capitaine Burdon a élevé dans le voisinage de la montagne sacrée une maison construite avec beaucoup de goût qu'il habite quelquefois avec sa famille. J'y vis une belle collection d'oiseaux empaillés que le résident lui-même a apporté de Himalaya. J'admirais surtout les faisans dont quelques-uns jetaient un véritable éclat semblable à celui du métal. Il y avait des sujets non moins beaux parmi les coqs de bruyère. Après avoir tout vu, je priai le docteur de me procurer pour le lendemain une occasion d'aller à Indore, 180 milles. Il me surprit très agréablement en m'apprenant que le roi l'avait chargé de me donner autant de chameaux qu'il m'en faudrait, ainsi que 2 cipayes à cheval pour escorte. Je demandai 2 chameaux, l'un pour moi et mon petit bagage, l'autre pour le chamelier et le domestique que me donna le docteur Roland. Fin du chapitre 14.